Marc, ça fait longtemps que je veux faire une petite surprise. Oui, je veux, regarde, j'ai mis la table ici, il y a toutes sortes de des crayons, des pinceaux. Oh my God, de, mais ça, c'est... Ben oui, de la gouache. Ah ouais. J'ai aussi des pastels gras, des pastels secs et des tubes d'aquarelle. Parce que moi, chez moi, j'ai l'autoportrait de mon fils quand il avait 5 ans. Il en a fait un. Ouais. Et ma fille aussi. À la maternelle, elle avait fait son autoportrait que j'ai toujours. C'est très, très beau. Il ne manque que le tien. J'aimerais avoir ton autoportrait. Mais moi, là, je suis vraiment poche là-dedans. Là. Pour vrai, je suis poche. Mm. C'est le plus beau jour de ma vie avec Marc Labrèche et Anne Dorval. Une émission signée Francis Legault. Le vent de décembre souffle sur ce charmant quartier de Montréal, dont on taira encore une fois le nom. Un chat téméraire qui ne craint pas le froid s'arrête devant la fenêtre givrée. À l'intérieur, le feu de bois réchauffe le salon. Anne agite son fusain pendant que Marc garde la pause. Tu sais, c'est pas nécessairement réaliste. En Picasso, quand il faisait ses visages, moi, quand je fais des portraits... Je fais toujours les deux narines du même bord, un peu comme Picasso. Tu sais, je fais mon sourcil. T'es cubique, toi. Ben, j'aime ça, je trouve ça beau. Ben oui. Puis quand je me dessine, je fais des grosses babines avec une face large. J'ai jamais vu aucun de tes dessins. Ben non, mais c'est parce que j'ai étudié en art plastique, moi, mais non, mais il y a longtemps, Marc. Ben oui, mais tu dois J'étais au cégep. Ben, plus là. J'ai tout perdu. Ben, j'étais dans le dessin d'observation, non? Hein? Ça se perd, ça. T'as fait des modèles? T'as fait du modèle vivant? Oui, du nu? J'ai fait du nu. J'ai fait toutes sortes d'affaires. Des gros, des maigres, des étendus. Des assis. Des couchés, des assis. Des pendentifs masculins. Du bout? Ben oui, du gland, puis de la chenolle. J'ai dessiné ça. T'as fait ça? Moi, j'ai tenu à apporter de la couleur. Parce que je me suis dit, je vais faire ton portrait aussi. OK. Et moi, c'est tes yeux bleus de mer qui me fascinent. Alors, ça me prend de la couleur. Parce que c'est sûr que je ne laisserai pas ça en noir et blanc. Ah non, toi, t'es pas noir et blanc. Bien, pas pour tes yeux. Pas pour les yeux. Parce que tes yeux sont tellement électriques. Ouais. C'est tellement une couleur incroyable. Et voilà. Mais là, tout ça pour te dire... Là, OK, fait que là, j'ai mon Fabriano. Mais si je te dessinais... Oui, vas-y. Je ne voudrais pas juste faire ta face. Tu veux faire ta face puis avec des jambes. Ah, tu ferais des jambes collées sur ma face. Ben, c'est que je suis obsédée par les jambes. Mais t'as raison, parce que j'ai pas un long tronc. Je suis pas très tronc. Non, mais c'est parce que t'as tellement des grandes jambes. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime tellement les jambes. Ben, c'est gentil, mais j'aimerais ça. Je peux pas passer ça sous silence. Ouais, des yeux bleus avec des jambes. Un petit peu trop longues jambes, pas assez longues troncs. Je préfère juste deux yeux. Peux-tu me rallonger le tronc? Ah, tu peux te le rallonger, le tronc? Ben, j'aimerais ça. Mais je suis pas très bonne dans les troncs. Ah, t'as toujours été bonne dans le tronc. T'es très. Tu dis que t'as jamais vu mes dessins. Non, mais t'as toujours été bonne dans le tronc. Je veux dire, dans le sens que il y a des gens, il y a plusieurs catégories de gens, là. Il y a des langues, puis il y a des tronchus. T'es plus tronchu. Je t'ai toujours senti plus tronchu. Ben, évidemment. Moi, j'ai un long tronc parce que j'ai pas assez de jambes. Ma foi du bon Dieu. Ben non, et mais si t'as j'avais un long, été tout t'as en tronc... jambes, j'aurais oublié mon tronc, moi aussi. Non, mais t'as le tronc vraiment équilibré par rapport. C'est comme. OK, fait que là. Fait que là, t'as un miroir ici. Ah oui, fait que ça, je peux. Ah oui, avec ce miroir-là, c'est qui était un peu déformant. Moi, tantôt, je me suis vue. Hey, mon Dieu, le parc Belmont. Mais moi c'est aussi, vraiment j'ai la face longue, tout à coup, j'aime assez ça comme ça. Mais tu vois, moi, c'est comme... Je fais pas beaucoup de dessins, mais si j'ai un... mettons que je fais un autoportrait, là... Ah, tu te regardes pas. Non, je puis me lave pas, comme puis ça? Je vais... Ouais. Là, il faut pas que tu dessines sur la table. Non. Mais là, mais t'es bien bon! Ouais, mais ça, c'est de mémoire. Ce que tu penses de toi, ça donne ça? Non, ben ça donne... Puis après ça, tu vas... Puis là, après ça... Mais là, ça n'a pas de sens, tu peux pas le laisser... Mais voyons. Puis là, regarde, je suis des petites facettes. On dirait Victorio. Mais voyons. Mais là. Non, mais c'est comme. Ben non, c'est n'importe quoi. C'est juste pour rire, là. On dirait. Ouais. Mais c'est beau, par exemple. Mais ça te ressemble pas du tout. Ben non, c'est parce que là, c'est le miroir. Le miroir m'aide pas beaucoup. Je vais faire. Mais mettons, je peux-tu te faire toi? Mais ça, tu peux dire ça. C'est... Ah ben non, je vais avoir une grosse face de lune. Non, pas du tout. Non. Fais-moi maigre et plus grande. Peux-tu me faire un peu comme Anne-Marie Cadieux? OK, je vais te faire comme Anne-Marie Cadieux. Mais faut mais pas que tu... OK. Ah, faut pas que je bouge. Non, fais, non mais si le tu peux but, me regarder, c'est que j'ai ton autoportrait. Oui, mais je vais faire le tien. Je vais d'abord faire le tien. Mais tu vas faire le tien après. Parce oui. que moi, le mien, je veux pas l'avoir à la maison. C'est le tien que je veux. Non, mais regarde, je vais faire... Est-ce que je dois sourire? Oh, bon, non, j'ai un ben petit chapeau sur la tête parce que j'ai non, le rhume. Ben, c'est ça va mais... être laid, mais si je l'enlève, je vais avoir le cheveu tapé. Pas du tout. C'est comme... Il faut pas lever le... Ah, non, regarde. Ah, oui. Puis c'est ça, puis là, puis... Regarde, ben, c'est comme c'est maigre. Mon Dieu, j'ai donc bien le visage long, c'est donc bien le fun. Qu'est-ce que je suis belle? J'aime ça beaucoup. Là, tu peux mettre tes... C'est formidable, c'est un genre d'automatisme. Hein? C'est très le fun, ça. Mais on va y aller, là, on n'a pas commencé encore. Ah, c'est pas commencé? Non. Hey. Non, parce que je veux avoir ton autoportrait. OK, fait que tu veux que je le fasse... Pour que je puisse le faire encadrer et l'avoir chez moi. Fait qu'il faut vraiment que je dessine comme en braille. Ouais. Ouais, il y a ça qu'on peut... Ah, OK, ça, c'est... Non. Mais c'est le même bonhomme que tantôt, mais en bleu. Mais voyons. Mais Marc, tu peux pas dessiner comme ça. Il est correct. Il est très beau, mais c'est pas toi. C'est comme ça que tu te vois, je peux pas croire. De l'intérieur, quand je regarde par ces grands yeux là, c'est des grands yeux bleus. Je veux pas être figuratif. Je veux être évocateur. Ok, évocateur. Tu sais, puis je veux dire. Ça c'est quoi ça? C'est un poil sur le caillou. C'est comme si j'ai toujours la même. Je comprends. J'ai jamais compris depuis la naissance, je comprends pas mes cheveux. J'étais de même, moi, quand je suis né. J'ai toujours eu des cheveux compliqués. J'ai pas compris. Si je vais faire ton nez... Ah, tu vois, moi, je ouais, non, j'aime pas ça faire ça, moi, figuratif de même. T'as bien raison, c'est donc bien fatigant. Ben, tu vois, regarde... Je vais continuer comme mon ami comme Picasso. Je vais te faire des grands yeux. Ah, ouais. Avec des cils. T'as des cils. Ouais, ça, c'est ça. Mais... Puis tu peux mettre de l'eau. Il y a des... Ça, c'est des carandaches. Et ça, ce qui est bien avec ça... C'est que, tu vois... Ah ouais. Tu vois, c'est de la couleur à l'eau. Puis là, après ça, tu peux prendre ton pinceau. Puis là, t'étends. Tu peux l'étendre. Regarde, c'est le fun. Oui, c'est beau, ça. Pouf, pouf, pouf. Bon, ça peut être ordinaire aussi, là. Moi, j'ai fait un monstre, finalement. Ben, c'est parce que... C'est un monstre? C'est très... Ben, on dirait que... Ouais. C'est un monstre? Mais ça te ressemble. C'est mon autoportrait. Non. Oui. Moi, je peux te dire, ça te ressemble pas du tout, Marc. Laisse-moi le soin de te dessiner. Parce que toi, t'es pas objectif. Je sais pas. Je te demande pas d'être objectif non plus, mais je sais pas ce que tu veux faire avec ta face. On dirait que tu veux pas. Là, avec les yeux, déjà, ils prennent. Mais voyons, on dirait que. Ah, tu commences par les sourcils, toi. Non, ça, c'est tes yeux. Tu vois, moi non plus, j'ai pas de méthode. Mais non, mais tu y vas, tu commences avec les... Ah oui. Ah oui. Oui, oui, je vois ce que tu veux. Non, tu vois pas. Oui, je vois, à l'envers. C'est ton œil. Oui, oui, je le vois bien. Ah oui. Puis là, ça, c'est tes cils. Ah oui. Ça. Les cernes. Non, ouais. C'est l'œil. Ah, c'est l'œil, ça. Okay, je pensais que c'était les cernes. Non, t'es pas cerné, Marc. Qu'est-ce que tu racontes? Puis là, je vais faire tes cheveux. Oh. Regarde. Je vais peut-être les cheveux blonds. Blond ocre. Cendré 105, qui appelle. Bon, c'est pas mal cendré, ça. Ah oui. Puis là... c'est intéressant. Arrête, tu m'encourages pas. Ben oui, je t'encourage. De moi. Pas du tout. Je trouve ça intéressant, super, les cheveux, tout. Regarde, c'était beau. Ah, c'est... Non, c'est vrai, c'est... Mais ça aussi, c'est très beau, je le garde. Est-ce que tu peux le signer? Oui. Joseph, le voisin musicien qui n'a toujours pas déménagé, débarque à l'improviste accompagné de son ami Troy. Ce n'est pas l'heure de l'apéro, mais avec Anne et Marc, il n'est jamais trop tôt pour chanter. On est prêts. Hey, on l'essaye. C'est fun qu'elle soit un peu sloppy. On est entre nous, on peut-tu vivre? Calic. OK. The night we met, I knew I... needed you so, and if I had the chance, I never let you go. So won't you say you love me? I'll make you so proud of me. We'll make them turn their heads every place we go. So won't you please be my baby, be my little baby. My one. Happy baby, just wait and see. For every kiss you give me, I'll give you three. Oh, since the day I saw you, I have been waiting for you. You know I will adore you till eternity. Depuis qu'ils ont regardé en rafale les 8 saisons de la série policière Dexter, Marc et Anne se passionnent pour la médecine légale et l'analyse de taches de sang. Cet après-midi, ils ont invité le microbiologiste François Julien, spécialiste des scènes de crime. Quand j'ai commencé, on était 5, OK? Mais il n'y a pas personne qui faisait l'étude des taches des projections, tu sais. OK? Moi, j'ai commencé ça. Les autres ne voulaient pas faire ça. L'étude des projections. Parce que, tu sais, tu frappes dans le sang, il y a des projections de sang, tu es capable de reconstruire. Comme dans Dexter, si tu réalises Dexter. Exactement. Je fais la même affaire que lui. Moi, je tout le temps. Même chose que lui, mais je ne les tue pas, moi. Non, oui, c'est ça. Faites pas la deuxième partie du Dexter. Là. J'ai eu des causes où un 12, OK? Un fusil calibre 12. OK. Ça, c'est que ça lance des plombs. Là, okay? Ah, oui. Ça, c'est une petite carabine à palette, là? Non. Un 12, ça lance des plombs, mais c'est une carabine à plomb. Tu sais, l'option d'argile, ça, c'est généralement, c'est du calibre 12. C'est assez fort. Ah, c'est fort, ça fait du bruit. Ça lance des plombs. OK. Puis la personne, elle avait 4 coups tirés. OK, elle avait 2 coups au figure. On était capable de démontrer qu'elle avait 2 coups au figure. Un dans le bassin, un autre un petit peu en haut du nombril. 4 coups. Et le 12, c'était un 12, un coup. Donc, il faut la surcharge à chaque fois. OK? Fait que les policiers, quand ils sont arrivés ces lieux, ils m'appellent, ils disent « François, on est meurtre. » J'arrive là, il y a 2 policiers, le premier intervenant, là, qui en uniforme, là, qui ont découvert le corps. Je commence à analyser la scène. Je dis « C'est pas un meurtre, c'est un suicide. » Le gars, il s'est tiré 4 coups de 12. Il fallait qu'il recharge à chaque fois. Comment il peut se recharger? Voyons, il est faible, il est à moitié mort. Il a commencé à se tirer un coup comme ça, un petit bout de la mâchoire qui est parti. Oh. Après ça, il est allé au congélateur, il a déchiré la boîte de cartouche, il a remis une autre cartouche. OK, il y avait toutes ces opérations-là à faire. Oui, là, il a enlevé la cartouche, il a remis une autre cartouche, clique, il s'est réinstallé, bang, ça a enlevé un bout de la face encore. Voyons. Là, toutes les cartouches étaient par terre, il s'est couché par terre, ping, là, il s'est manqué, il s'est tiré dans la hanche. Fait qu'il a chargé son arme, il s'est étiré, puis là, il a réussi à se tirer en haut du nombril. Là, le foie, les intestins, tout est éclaté. C'est ça qui est mortel. Les autres. Écoute, plus ou moins longue échéance, ça aurait été ça, mortel. Ça. Oui. Mais c'était pas mortel comme tel. Ben, okay. Là, je peux-tu savoir, là, vous nous racontez tout ça, tout ça. Quel genre d'enfant étiez-vous? Je vais pas faire ma psychologue du dimanche après-midi, là, mais je veux juste comprendre qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à choisir ce métier-là? Je veux dire, vous auriez pu être, si vous aimez le sang, si vous êtes attiré ou fasciné par ça, vous auriez pu. Non, mais tu sais, vous auriez pu être juste chirurgien, seulement rouge, jouer dans les tripes du monde, puis raccorder des boyaux, ça, puis ça saigne, puis ça s'agique, puis on a des. Y a-t-il des projections de sang? Moi, j'ai commencé ça. C'est vous qui avez inventé ça, là. Ben, inventé, c'est un grand mot, là. Mais Se faisait ailleurs, ça se faisait aux États-Unis, ça se faisait ailleurs dans le monde. Regarde, dans les années 1910, quelque chose comme ça, il y a un vieux médecin français. Parce que le laboratoire à Montréal, c'est le 3e laboratoire qui a vu le jour dans le monde. Il y en avait un à Paris, il y en a un en Angleterre et celui de Montréal. Le FBI est venu étudier à Montréal quand ils ont parti le laboratoire. L'AGSC, Chicago, tout ça. Ils sont tous venus à Montréal voir comment ça fonctionnait. Okay. Et c'est en 1910, quelque chose de même, là, il y a un vieux médecin français, Balthazar qui s'appelait, qui avait remarqué que quand tu coupais à gorge de lapin, il y a des projections qui se faisaient à ses mains. Mais voyons. C'est drôle, il y a des gouttes qui ont des différentes formes dépendant de l'angle à laquelle on l'a frappé. Puis il y avait écrit des choses comme ça. Suite à ça, un petit peu, on saute bien les années, là. Il y a un Américain qui a commencé à écrire des petits pamphlets de rien, là, des affaires, qui parlait de il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Puis quand je suis arrivé au labo, je suis tombé sur ces petites affaires-là. Je disais, ça a l'air la fun, ça. Fait que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Puis j'ai dit aux policiers, parce que c'était utile. C'est pas le fun comme une fête, là. Non, c'est ça. Parce que nous autres, on parle de beau cas, mais tu sais, un beau cas, c'est un cas écœurant. On s'entend, là. Et nous autres, on dit que c'est un beau cas parce qu'il y avait quelque chose à sortir de là-dedans. Fait que. Je vais retenir ça quand on va me dire. J'ai mal au cœur. T'as mal au cœur? Non, ça va, je vais boire de l'eau. Ben oui, prends-toi une petite gorgée de naïve. Une belle souple pour l'âme. Non. Mais la première fois. La toute première fois, j'ai eu le bonheur de travailler avec un pathologiste qui s'appelle André Lauzon. Et lui m'a dit, François, viens-t'en. On est arrivé tranquillement, on était dans le passage, la porte de la salle d'autopsie était là, puis il y avait une grande fenêtre sur le long. Il m'a dit, regarde là. Par la fenêtre. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit, regarde, ils sont en train d'ouvrir, de faire une incision. Puis bon, il m'expliquait ça. Un petit matin. À l'autopsie. Là, j'ai regardé ça. Il dit, maintenant, regarde, je vais ouvrir la porte, je vais te dire qu'est-ce qui se passe. Et là, t'entends plus les bruits. Puis l'odeur aussi. Oui, mais c'est pas si pire que ça, l'odeur. À moins que c'est des personnes putréfiées, là. L'odeur, c'est une petite odeur fétide un petit peu, mais non, c'est ouais, pas... Non, c'est ça, c'est comme un frigo. Je vais vous dire, franchement, là, ce qui sent le plus mauvais dans une salle d'autopsie, c'est souvent le parfum qui met pour empêcher l'odeur. Ça ah, sent c'est le ça. Diable. Ça ah oui, mais ça, c'est du... C'est quoi qu'ils mettent? C'est du Febreze? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ça, mais... c'est du... Ah, mais c'est du parfum cheapette, là. Ça sent le diable, qu'est-ce qu'ils mettent dans les... Ouais, c'est trop aussi. C'est souvent ça qui fait comme une odeur, bon. Ouais, c'est ça. Et là... La porte est ouverte, le corps est à l'os, ce que tu veux voir. Puis tranquillement, au bout de pas grand temps, j'étais directement à côté de la table d'autopsie, puis je posais des questions. Puis vous avez pas mal au cœur, jamais. Vous avez jamais eu mal au cœur? Jamais. Oh, mais ce qu'il m'a, il m'a dit, puis ça, c'est, bon, je trouvais que c'était sacré comme recommandation. François, oublie jamais une chose. Tu travailles avec ta tête ici. Tu travailles pas avec tes sentiments. À partir du moment où tu vas travailler avec tes sentiments, tu vas être complètement biaisé. Puis ta tête, là, avoir essayé de trouver des raisons sentimentales d'arriver à telle chose. Ah, ouais. Elle est jeune, elle faisait pitié, mais oui, elle avait mais deux ça enfants. Aussi, mais ça aussi, on est tous humains. Je sais bien qu'il faut pas. Mais y a-tu moyen de rester froid, même dans des cas comme ça? Il faut. Y a-tu des cas, excuse-moi. Non, mais vas-y. Ah, j'ai tellement de questions à vous poser. Mais y a-tu... En espérant que ça t'empêche pas de dormir. Ben ça se peut que ça m'empêche de dormir, je vais vous dire franchement. Tu m'appelleras, je vais te changer. Mais j'ai le sommeil léger aussi, mais c'est... Mais y a-tu des cas qui vous ont un petit peu découragé où vous êtes dit, ça, je suis pas sûre d'y arriver? Tellement c'est complexe, tellement il y a beaucoup d'intervenants. Y a des cas où vous trouvez pas. Ah oh non, oui, définitivement. Ah oui. Souvent, la question m'est posée, savoir si le crime parfait existe. OK? Ouais. C'est un petit peu dans le même sens de ta question. Et moi, je dis tout le temps, les crimes parfaits n'existent pas. Ce qui n'existe pas, c'est les techniques présentement pour les solutionner. OK. Puis le cas le plus morbide qui vous vient spontanément, là, spontanément, la scène la plus... Ouais. Spontanément, là, il y a un cas qui... Ben, c'est morbide dans la mesure où c'était assez spécial. C'est quelqu'un qui avait été coupé, si je me souviens bien, là, à quelques morceaux près. Là, je pense que c'est 24 morceaux avec une CHM. Bon. C'est sûr. Ça, c'est comme un film d'horreur, là. C'est Chainsaw Massacre. Ouais. Puis elle a été découpée une fois morte ou non? Elle était vivante, puis on l'a découpée. OK. Non, non, tellement. Ouais. Puis vous l'avez eu. Écoute, il nous manquait la tête, puis on n'a jamais trouvé le mécanisme du décès comme tel, là. Et ça, c'est un cas qui était assez célèbre au labo, dans la mesure où il y a eu plusieurs sections du laboratoire qui ont été impliquées. Combien de temps ça a duré le travail, par exemple, sur un cas comme ça? Combien de temps vous avez vécu avec ça? Six mois. Facilement. Parce qu'il y a toujours des indices supplémentaires qui nous étaient apportés où on enlignait les policiers sur quelque chose. Puis à un moment donné, nous disait, ben, je vais aller vérifier si je vais aller vérifier ça. Écoutez, quand le corps a été retrouvé, on a fait le casse-tête, et avec le corps, il y avait une malle. Excusez le terme anglais, mais une trunk case, les caisses bleues avec les coins dorés en brasse. Mm-hmm. Mm-hmm. Bon. Et cette caisse-là avait été défaite complètement, elle a été trouvée avec le corps aussi. Puis il y avait une espèce de petite mallette dans laquelle il y avait un endroit pour mettre le nom de quelqu'un, là, une petite fenêtre. Là. Ouais. Et il n'y avait rien d'écrit. Et on enlève ça, il y avait un carton, rien d'écrit sur le carton, un deuxième carton. Puis en arrière du carton, il y avait le nom de quelqu'un avec une adresse. On s'est rendu à cette adresse-là parce que ça nous permettait peut-être de... enligner ça, parce qu'on savait pas c'était qui, là, la personne qui était en morceaux. Arrivé là, on a réussi à démontrer que cette personne-là n'était plus là, il y avait une séparation, et là, on a des informations, le fait que monsieur demeure à tel endroit, s'en va à cet endroit-là, la pièce est complètement toute vide, complètement vide. On fait du luminol, parce que j'ai été le premier à faire le luminol aussi au Québec. Le luminol, c'est un produit chimique qu'on va vaporiser à la noirceur complète et ça va se mettre à briller. Ah oui, c'est ça. Une réaction chimique qui se fait. On a vu dans des films de ça. Oui, oui. Mm. Mais des fois, dans les films, c'est mal fait. Parce qu'il vaporise. C'est tout mal fait. C'est toujours mal fait. Parce qu'on n'a pas de budget au Québec. On n'a pas d'argent. Non, mais c'est parce qu'il vaporise et là, après ça, il regarde avec une lumière. C'est comme deux tests distincts. Okay. Le vaporise, il va y avoir de la chimiluminescence, il y a une réaction chimique qui va se faire avec le sang, ça va se mettre à briller. Et l'autre, avec la lumière, c'est du lumol light, c'est pas du luminol, puis on dirait qu'ils mélangent tout ça. Ah, ils ont tout mélangé. Ben, c'est ça, parce qu'ils vont regarder avec une lampe, puis bon, il y a des choses qui vont apparaître. Moi, j'y croyais, tout. Mais c'est ça, donc, on arrive à cette place-là, on était capable de retrouver la présence de sang grâce au luminol. Et entre autres, dans le bain. Fait que là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui s'était fait laver dans le bain. Les meubles avaient été donnés au concierge, en partie. On vérifie au niveau des meubles, particulièrement au niveau du lit, parce que c'était dans la chambre qu'on avait trouvé le plus de sang. Au niveau du lit, beaucoup de sang. Et bon, beaucoup de sang qui avait été mal nettoyé, en fait. On le voyait pas à l'œil, là. Ça, c'était impossible. On le voyait pas à l'œil. C'était à ce point-là, lavé, qu'on voyait plus rien. Mais avec le luminol, du sang en très faible concentration, avec le luminol, on va être capable de le retrouver. Mm. Je savais qu'il y en avait beaucoup dans la chambre en arrière. On a regardé le lit qui avait été donné, beaucoup de sang sur le lit. Là, on commençait à voir, parce qu'il y avait quelqu'un, le concierge avait informé à l'effet que telle personne était venue faire le ménage. Cette personne-là devenait un petit peu hot. Ah ben et oui. Là, à un moment donné, on s'en va vérifier l'amant de cette personne-là. Cette personne-là, un chalet pas tellement loin de l'endroit où le corps a été retrouvé en morceaux. Bon. Ce chalet-là est brûlé. Le voisin dit il n'est pas chanceux, il y a un arbre qui est tombé sur sa maison. Il m'a demandé une chainsaw. Ah oui. Ramasse la chainsaw, je vérifie dans le mécanisme de la chainsaw, je trouve... Il y avait de la même sang. Je trouve du sang, je trouve des fibres, je trouve de la peinture bleue de la caisse, du métal argent de cuivre, je trouve ces affaires-là. Donc, il y avait comme un lien, puis là, bon, la boulette est partie. Puis est-ce que... Oui, vas-y. Non, est-ce que la famille des victimes, par exemple, est-ce que vous êtes en contact avec elles? Est-ce qu'il y en a qui viennent vous voir pour... Ne serait-ce que dire... ben, merci pour votre travail, bravo pour le travail, ne serait-ce que pour nous... Je veux savoir, dites-moi, s'il a beaucoup souffert, y a-tu été... Oui, ou moi, ça. Moi, okay. Du monde. Moi, quelques reprises de la famille s'est dirigée vers moi. J'ai pas voulu, parce que justement, je parlais tout à l'heure du côté émotif de l'affaire. Oui, c'est trop. Je voulais pas, premièrement, être émotivement relié à leur malheur, OK? Je voulais pas être relié à ça. Et en plus de ça, je me verrais mal au palais de justice, sortir de témoigner... L'avocat de la défense qui est là, la famille qui vient me voir, leur donner la main puis me donner des tapes sur les épaules aux affaires-là. Je trouvais que j'avais l'air biaisé. Notre rôle, c'est d'être le plus indépendant possible. On ne travaille pas pour trouver quelqu'un de coupable. On travaille pour raconter l'histoire, l'enquête policière. Mais il y a une gratification qui vient avec ce que vous faites. Puis là, vous devez être, quand vous réussissez à expliquer quelque chose, vous devez être à la fois content pour vous, puis à la fois content pour la victime aussi, et pour la famille. C'est un exploit à chaque fois, j'imagine. Il ne faut pas vous oublier quelque chose, c'est que parfois, pas tout le temps, mais parfois, ça arrive que à un moment donné, il y a une jeune fille, elle est retrouvée, elle n'a plus de tête, là, toute la tête est éclatée, tombée pleuvante au niveau du salon, elle est nue, puis tout ça. Tout le monde a entendu une chicane dans le bloc toute la soirée. Le suspect, c'est son chum. Le policier arrive, commence à ramasser le bonhomme, veut l'amener pour l'interroger au poste de police. Il y a un dossier criminel, violence, ces affaires-là. Il est comme un petit peu suspect, même pas mal suspect. Moi, j'analyse la scène et je dis que c'est un suicide, c'est pas un meurtre. Fait que souvent, on va aider quelqu'un qui est suspecté aussi. Mm-hmm. On n'est pas... Ah oui, tout ça. Ben oui, je comprends tout ça. Des fois, ça va arriver qu'on va démontrer quelqu'un. Vous allez blanchir quelqu'un qui est accusé. Alors que comme, tout est contre. Qui pourrait être accusé. Et c'est pas à nous à déterminer que quelqu'un est coupable. Non. Avec l'ADN, avec des projections de sang. L'ADN ne trouve pas quelqu'un de coupable. L'ADN va démontrer que telle personne est en contact avec telle personne par le sang. Par des fois, par exemple, les évidences que vous apportez, ça peint quelqu'un dans le coin complètement. Bien, puis... la personne qui dit « j'ai jamais eu de rapport sexuel avec cette femme-là » et que nous autres, on démontre qu'à l'intérieur de la cavité vaginale, il y a du sperme, on vient de créer un lien entre les deux personnes. Oui. Est-ce que c'était avec ou sans consentement? Oui. Ça, c'est la question. Puis l'autre chose, c'est au jury... et ou au juge à dire qu'il est coupable. Ouais. C'est pas nous qui vont dire, monsieur le juge, il est coupable. Donc, ce que vous parliez des films de merde où ils croisent deux espèces de techniques pour trouver du sang, on s'en fout. Les émissions là, de CSI, ces affaires-là, je les écoute, je trouve ça le fun d'écouter ça. Oui. Puis quand je vois c'est pas crédible, Abby, c'est... Là, la fameuse Abby là, qui travaille dans... Oui, Abby. Ah, oui. Elle, je veux dire, il arrête quelqu'un, la personne a à peine les fesses sur sa chaise dans la salle d'interrogatoire, ça frappe à la porte, Abby arrive, elle a déjà le résultat d'ADN. Moi, ça me fait tout le temps rire un petit peu, parce que l'ADN, on peut difficilement arriver à avoir des résultats d'ADN en bas de 3 jours, disons. OK. Fait que quand je la vois faire ça, moi, je me bidonne un peu, mais c'est pas grave. Elle est bien cute. C'est ça, puis elle a une bonne équipe. Y a-tu des... Bon, maintenant que vous avez pris votre retraite, une petite question encore, parce que sinon, mais c'est fascinant, ce métier. Mais y a-tu des images qui vous hantent des fois? Y a-tu des images qui reviennent vous hanter? Faut pas. J'espère que je n'ai pas l'air d'un sadique, mais non, faut vraiment pas. Sinon, moi aussi, j'aurais été un beau cas. J'aurais fait une grosse dépression. Oui, probablement. Comme un suicide. Ouais. J'aurais fait... Non, faut pas se laisser envahir par toutes ces choses-là. Chez les policiers, il y a énormément de suicides aussi, ouais. On dit. Les policiers, les dentistes, ça... Là. Les dentistes. Ouais. Ben, j'avais entendu ça, C'est sûr qu'il y a des bouches qui sont pas jolies. À un moment donné, ça doit être déprimant, là, dans l'œil du monde. Les dentistes qui en arrachent beaucoup. Hey, François, c'est super intéressant. C'est fascinant. Vraiment. Après avoir reconduit leur invité à la porte, Marc revient au salon. Dans le sofa de cuir patiné, il s'assoit à côté d'Anne. Tout à côté d'Anne. Hey, mon Dieu. Voyons. Hey, c'est comme un petit éléphanteau qui tète le pis de sa mère. As-tu des pis des éléphants? Oui, les mammouths, oui. Je prends de l'eau parce que quand je sais que je vais te lire mes passages préférés du dernier livre, là, j'ai lu Paulo Noël, le livre 1, parce qu'à la fin du livre, il dit, il arrête en plein milieu d'une histoire, il arrête en plein milieu. Il a parlé de sa vie jusque-là, puis là, il arrête comme d'un coup, puis il dit... Hey, à la revoyure. Oui, je m'arrête ici d'écrire parce que je suis essoufflé. Je croyais pas qu'on puisse tant souffrir à raconter sa vie. Je suis pas un écrivain de carrière qui tape rapidement les mots sur une machine. Je suis tout simplement un chanteur qui écrivait la nuit après ses spectacles et qui dictait à sa femme les brouillons illisibles qu'elle transcrivait à la main. Quand j'aurais repris courage, peut-être continuerai-je. Toi qui m'as lu jusqu'au bout, je te dis merci et salut, Paulo. Il est tellement sympathique. Je l'adore. Fait que c'est Paulo Noël, donc livre 1 de l'orphelinat au succès. Juste le titre me fait plaisir. Voyons donc, je savais pas qu'il avait été dans un orphelinat. Oui, non. Il y a eu une enfance excessivement difficile. De merde, hein? Oui, non. Il est pas. Il vient d'un milieu vraiment défavorisé, puis vraiment une famille nombreuse. Puis là, il y avait. Fallait qu'il est excessivement bâtard. Tu sais, vraiment le petit bon de rue, là. Oui. C'est vraiment une vie de marin, tout ça. Puis moi, une vie de marin. Il a été dans la marine? Il a été marin? Il a été marin, Paulo. Il adore les bateaux. Oui, il a passé sa vie sur des bateaux. Des fois, il montait le fleuve jusqu'à Châteauguay en chantant « Ah, la belle misère, là, là. » Quand est-ce qu'il a rencontré Diane? Mon Dieu, qu'il l'a donc aimé. Ça, c'est tellement beau quand tu parles de sa femme. Il aime beaucoup. Aimé les femmes en général, mais elle, c'était la sienne. Il a beaucoup aimé les femmes, puis il y avait beaucoup de... Il y a un passage... Moi, j'aime ça comment il parle, tu sais. Je veux dire, il parle... Sympathique. Il est super sympathique. Noël. Puis je l'aime, ce petit monsieur. Prend pas des gants blancs pour rien, tu sais. Moni dit... Quand il fallait que les gens disaient « Tu devrais téléphoner à Jean Raffa pour chanter en français, qu'il te trouve une place pour que tu puisses chanter en français dans les cabarets à Montréal. » Jean Raffa, qu'est-ce qu'il faisait? C'était un chanteur? Jean Raffa, oui, c'était un directeur de cabaret. Puis c'était aussi un chanteur contemporain de Fernand Gignac qui l'a aidé. Il y avait un cabaret qui s'appelait Le Tourbillon. Puis là, tu sais, Paulo Noël, il dit « Tu devrais appeler Jean Raffa. » Fait qu'il dit, il l'appelle, puis c'est une voix féminine qui me répond très à la française, qui dit « De la part de qui? » Puis là, il dit « Paulo Noël. » Je ne comprends pas. De la part de Paulo Noël. Je ne comprends toujours pas. Elle est fatigante, hein? Et il dit, j'avais beau me mettre la gueule en cul de poule pour essayer de parler en français, elle comprenait rien. Il n'y a pas de filtre. Alors j'ai perdu patience. Passez-moi Jean Raffa, Carlis. Fait que c'est ça. C'est bien envoyé. Il parle comme ça, c'est bien envoyé. Puis les femmes, il y a des aventures, mais c'est pas toujours des aventures. Il est très, très, très sensible. Puis il dit, il peut se décontenancer, perdre ses érections. C'est ça, je vais dire le mot comme il dit. Il en parle de ses érections dans ça. Une fois qu'il a rencontré, par exemple, il dit, tu sais, les seuls moments longs de ma journée étaient entre mes spectacles où je ne savais pas trop quoi faire. De temps en temps, je parlais avec la jolie demoiselle qui travaillait au vestiaire. elle me racontait sa vie, je racontais la mienne. Et quand je lui dis que je dormais à l'imprimerie, parce qu'il travaillait dans une imprimerie avec des gros rouleaux. Il dormait là parce qu'il n'y a pas d'argent encore. Okay. Elle me répondit, au lieu de dormir sur des rouleaux, viens dormir chez moi. Puis là, il dit, je ne savais pas quoi répondre, car je me disais, s'il faut que Thérèse, sa femme, sa première femme, que Thérèse apprenne que j'ai dormi dans la maison d'une autre femme, ça serait terrible. Alors j'ai dit, je verrai après la soirée. Bon, en tout cas, fait que finalement, il va chez elle, il dit, on s'est couché en chien de fusil. C'était la première fois depuis mon mariage que je couchais avec une autre femme. J'avais un sentiment de culpabilité qui faisait diminuer ma virilité au point que j'aurais pas osé pisser tellement j'étais gêné. Puis là, il dit, coudon, est-ce que je te fais peur? Tu serais pas pédé par hasard, toi, Paolo Noël? Puis il dit, hey. Puis là, il dit, tu pourrais pas aller coucher ailleurs ici, c'est pas un bordel à tapette. Hey, là, Paolo, il fait, non, hey. T'es méprisante, là. Fait que là, il dit, OK. Fait que là, il dit, OK, si l'adultère est un péché mortel, tant pis, mourons. Oh, diable, ma conscience, elle m'empêche d'être ce que je suis supposé être, un homme, puis d'y montrer. Puis là, il dit, c'était très facile de l'aimer, elle était très jolie avec ses cheveux longs qui cachaient une partie de ses seins. C'est elle qui a commencé le jeu comme pour m'initier à une nouvelle façon d'aimer pour moi. Ah. Faire l'amour pour l'amour. Bon. Mais, quand le moment de la pénétration arriva, elle me dit... Ah, il dit tout seul. Oui. Bon, fling-fling. Non, je fais de la lecture... Oui. Coudonc. Alors, quand le moment de la pénétration arriva, elle me dit... Hey, non, pas là. Non. Ben là, voyons, c'est pas un puceau, là. Il savait... Non. Là, il répond, non. Hey, voyons donc. C'est pas fait pour l'amour, ça. C'est fait pour autre chose. Oh, mon Dieu! Puis là, elle répond, « Hey, c'est là que tu vas aller, mon petit coco, que j'ai pas envie d'avoir un petit chanteur dans quelques mois. » Ah non, il était... Il l'a pas eu facile au niveau de la... Mais voyons! Il raconte... Mais elle était wild, voyons. Non, mais... Dans le troufignon, bing-boing. Ah oui, c'est ça. Non, mais coudonc. Pour contrer le froid de décembre, rien de mieux qu'une chanson country. Anne et Marc redonnent vie à un joyau tristement oublié du répertoire de René Martel. 1, 2, 3, 4. Notre fils n'a rien que 4 ans. Oh, il comprend comme un grand. Alors on épelle devant lui les mots que l'on doit lui cacher, comme J-E-U ou bien S-U-R, P-R-I-S-E. Mais les mots qu'on lui cache maintenant me brisent en dedans. Le D-I-V-O-R-C-E nous sépare aujourd'hui. J-A-N-O-T et moi, on s'en va pour la vie. Malgré l'amour qu'il y a en moi, je ferme la P-O-R-T-E. Oh, comme j'aimerais éviter le D-I-V-O-R-C-E. Il sourit et croit que c'est Noël ou son anniversaire. Il pense que G-A-R-D-E veut dire jouet ou cadeau. J'épelle tous les mots blessants, me détournant de lui un peu. Car je ne peux épeler le tourment qui coule de mes yeux. Oh! Le D-I-V-O-R-C-E nous sépare aujourd'hui. J-A-N-O-T et moi, comment? On s'en va pour la vie. Malgré l'amour qu'il y a en moi, je ferme la P-O-R-T-E. Oh, comme j'aimerais éviter le D-I-V-O-R-C-E. Once again! Oh, comme j'aimerais éviter le D-I-V-O-R-C-E. Yeah! Ben oui! Comme j'aimerais éviter le divorce. Le divorce? Puis les autres mots, c'était jeu, surprise, porte, garde. Anne et Marc n'ont pas encore terminé leurs emplettes de Noël. Toujours à la recherche de cadeaux qui seraient comblés leurs proches, ils ont eu l'idée de faire appel à Jacinthe Marcille, denturologue. Mais si je voulais offrir un cadeau original à quelqu'un que j'aime beaucoup, Oui. On peut t'offrir un dentier? Des nouvelles dents, ça serait comme assez trippant, là. Oui, mais ça peut. Il faut attendre. On peut pas faire une commande pour quelqu'un. Fait que c'est quoi la tendance dans les dents cette année? Oui, vous êtes denturologiste? Oui. Jacinthe, belle tendance, Jacinthe. Il n'y a pas vraiment de tendance annuelle. Hein? On s'entend qu'on ne change pas les styles à toutes les années. Non, parce que la mais bouche humaine... Il y a quand même des styles qui existent. Il y a eu des styles par le passé. Il y a une trentaine d'années ou 35, 40 ans. C'était des petites dents. C'est pas pourquoi, mais il y avait très des petites dents. Petites dents. Pourquoi des petites dents? Qu'est-ce qu'il y avait de la forme là-dedans? Ça change le visage complètement. Ça. Moi, j'ai vu ça. J'en ai pas fait. Les gens étaient complexés de manger, c'était de c'était comme des petites dents. C'était plus facile à faire. Je sais pas. Les compagnies produisaient ça. Après ça, on a eu la tendance, bon, tu sais, de revenir plus sur. Il y a eu des grosses dents. Il y a eu de la grosse. Mais voyons donc. Mais oui, mais il faut respecter la dentition de la personne. Mais quelqu'un qui a eu des dents croches, puis qui en manquait deux, trois, mané, eux autres, ils veulent des grosses. Moi, je vais avoir une belle gueule. Il y a dû avoir une mode de grosses palettes aussi, des palettes qui dépassent avec des petits dents à côté. Ah, ouais. Pas les trop grosses canines pour pas avoir l'air de mais dans le fond, ben c'est ça. Faut comprendre que les dents, ça fonctionne avec la forme de la figure. Alors, Jésus n'a pas voulu, puis c'est raté sur toute la ligne. C'est là, ça, on est, c'est raté. Alors là, des fois, on essaie de nous recréer quelque chose de beau. Si la nature t'a pas donné une belle gueule, une belle... Tu peux l'améliorer. Ben oui, tout okay, c'est un visage comme... long, tu n'auras pas nécessairement pour des longues palettes. Parce que, est-ce que, tu as des dents qui allongent le visage et qui élargissent le visage? Non, que non. C'est habituellement, c'est que la dent va aller avec la forme. Si tu as une figure très ronde, normalement, ta dent naturelle devrait être très ronde. Ah, plus bon? Arrondie. Le collet de la dent, là, le rebord. Puis donc, tu as des longues palettes quand tu as un visage rond, normalement? Oh, ça allonge la face d'avoir avec les lèvres, la sourire. Tu as l'air plus mince. Oui, c'était des grandes galettes. C'est comme s'habiller enrayé sur la sur non, la non, pas nécessairement. Ah, non. Non, non. T'as pas l'air plus mince, c'était une dent c'est plus une question de sourire, tu sais. C'est parce qu'à un moment donné, il faut pas en voir trop. Ah, faut pas voir trop de dents. Ben, c'est pas très joli, là. Hey, il y a tellement de questions. On déborde d'enthousiasme. Mais maintenant, c'est parce que j'en ai pas de ce métier-là. Ben, effectivement, vous, Jacinthe, ça fait combien de... Ça fait 10 000? On dit que vous êtes la femme aux 10 000 dentiers? À peu près, en carrière. Ça fait quand même 36 ans, 38 ans. Vous êtes comme une super-héros qu'on appellerait Dental Woman. J'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup. Vous faisiez surtout des personnes âgées, j'imagine? C'est encore ça. C'est encore de plus en plus. De plus en plus, mais il fut une époque où, moi, je me souviens, dans le temps de ma mère ou de mes grands-parents, au lieu de soigner une dent, ils l'arrachaient. Oui, c'est puis ça. Puis à 14 ans, il n'y avait plus une dent dans la gueule. Puis ils trouvaient comme un petit... Il y a 30 ans, on avait des clients de 40, 30, 50 ans. Mais vous en faisiez beaucoup de dentiers. Mais ce n'est pas un métier qui va tendre à disparaître un peu à cause de ça. Parce que maintenant, il n'est plus question qu'on arrache des dents comme ça. Mais il va toujours en rester. Les gens vivent plus longtemps maintenant. C'est ça. Sans dents. Tu peux remplacer une dent, mais tu ne remplaces pas toutes les dents. Il va avoir moins de prothèses complètes peut-être, mais plus partielles. Peu importe l'alimentation, à travers la planète entière, la dent dégénère de la même façon sensiblement d'un peuple à l'autre. Ce qui est arrivé, c'est que dans la culture québécoise, on n'a pas misé beaucoup sur l'entretien des dents. Non. Sur l'entretien de rien, que... nos routes non plus. Regardez le Oui, non, c'est tout tombé en ruine ici. Bon Champlain. Pardon, excusez-moi, Jacinthe. Mais oui, moi aussi. On était parti sur la voirie, là. Oui, mais les anglophones ont moins de prothèses que les francophones. Ben oui, mais ils étaient riches aussi, les anglophones. Ben oui. Ils avaient fait des couronnes, des ponts. Il y avait des beaux arbres qui ne s'écroulaient pas dans leur quartier. Alors qu'au Québec, bien souvent, même ça a été, à un moment donné, c'était presque une dot. Tu sais, hein, je vais lui faire enlever les dents, tu n'auras pas de problème, on va lui mettre deux dentiers, ça va être... Mais est-ce que là, ça doit être tellement perfectionné, les gens ne perdent plus leurs dentiers comme avant? De plus en plus. Là. On leur sort de plus en plus. Là, on écrit des fois le nom, on écrit les initiales dans la prothèse. Parce que en résidence... Si quelqu'un trouve un dentier, pensez-vous vraiment qu'il va l'examiner puis qu'il va regarder? Moi, j'ai le père d'un ami qui est dans une maison pour Alzheimer. Qui avait égaré son dentier. Il l'avait égaré? Oui. Puis là, à un moment donné, ils ont été obligés. Là, ils ne savaient plus c'était à qui les dents. Ils l'ont fait essayer à peu près à tous les hommes de l'étage pour dire ça va faire. Puis ça a fait. Il l'a retrouvé parce que ça y est rentré dans la gueule impec. Puis là, il a fait, c'est le mien. Ça, c'est bizarre. Puis là, tout le monde l'avait essayé avant, tu sais. Ouais. Mais voyons, tout le monde l'a essayé. Ben oui, tout le monde l'a essayé parce que tout le monde se souvenait plus. C'est une maison d'Alzheimer, fait qu'il savait plus s'il l'avait perdu. Puis tout le monde le voulait parce qu'il le trouvait beau. Ben oui, il trouvait beau, puis il disait, c'est à moi, ça doit être à moi. Ça doit être à moi. Moi, j'avais entendu une histoire, il y a toutes sortes d'anecdotes autour des dentiers. Hein. Moi, j'avais entendu quelqu'un, un comédien, à la compagnie Jean Duceppe, un soir d'une première, il a éternué ou je sais pas quoi, il a toussé. Oui, je sais c'est qui. Tu sais c'est qui? Moi, j'ai oublié. Et son dentier est sorti de sa bouche, puis a atterri dans la fosse, dans un trou sur la scène. En tout cas, il y avait un trou. Ouais. Son dentier est tombé dedans. Il l'a jamais retrouvé. Fait qu'il a fini le show avec les deux petites lèvres poignées en élastique. Ouais. C'était terrible. C'était devant frayant. Tout le monde un soir de première, t'avais des dents, t'en as plus. Puis t'as éternué entre tes deux. Pendant une phrase. Mais ça marche, tu sais, les gens aiment ça, tu sais. Ouais. Oui, mais imagines-tu le pauvre homme? Camille Samson, à l'Assemblée nationale, il a perdu son dentier. Puis il l'a dit. J'en perds mon dentier, Monsieur le Président. Parce que le dentier, dans sa bouche, il l'a mis dans sa bouche devant tout le monde. Mon Dieu, Seigneur, il y avait pas de gêne dans cette époque-là. Hein? Va sur YouTube, c'est ça. Pourquoi faire ça? Ce qui aime beaucoup ça aussi, c'est les chiens. Les chiens adorent les prothèses. Alors, il ne faut pas les laisser sur la table de nuit, parce que c'est plein de salive, ça. Ah oui. Hein, et le petit chien, il aime beaucoup la salive, c'est comme un os. Ben voyons. Alors, moi, j'ai déjà quelqu'un que son chien l'a enterré dans le jardin. Il ne l'a jamais retrouvé. Attends, excusez-moi, comment c'est ça? L'histoire. Il y a quelqu'un qui a enterré son dentier dans le jardin? C'est son chien. Son chien. Son chien a pogné le dentier pendant la nuit. Il est allé l'enterrer dans le jardin. Il l'a jamais retrouvé. Pierre dans la mer. Dans la mer. Oui, ça j'entends. Ça, c'est plate, le retour sur la rive. C'est fragile comme ça, un dentier. Ben, des fois. Une petite vague, puis ça saute la bouche. Et puis ça part. Non, mais Ogunquit, c'est pas des petites vagues. Si tu te fais pogner par la vague... Comment c'est? Écoute, t'as plus d'amour propre, t'as plus rien, t'as plus aucune dignité. Ben, faut toujours en avoir un spare. Faut toujours avoir un spare. Comme des lunettes. Puis avez-vous des cours d'esthétisme? Oui. Pour savoir ce qui marche avec la physiologie de quelqu'un. Il y a des mesures, il y a des guides, il y a des compagnies dentaires qui, ceux qui font les dents, avaient fait des guides, un masque qu'on met pour prendre la largeur. Il y a la largeur du nez qui influence la forme de la figure, tout ça. Pour donner une idée, quelqu'un qui a fait enlever ses dents, mettons, moi, j'ai pas vu du tout, puis qui arrive, puis qui a pas de dents, puis qui a pas de prothèse d'avant. Oh mon Dieu. Oh là, faut retrouver. Il faut recréer. C'est sûr, quand ils partent avec quelque chose, bon, on essaie de suivre, on veut pas non plus. Souvent, les gens veulent de moins en moins que ça paraisse, que ce soit. Ouais. Ben, on va plus vers le naturel. Plus blanc, par exemple, un peu que le naturel. Oui, mais on a lâché le gros blanc étincelant, là. Le blanc bleu, qui se peut pas, là. Ouais, on aime encore ça, un peu. Puis vous n'êtes pas capable. Est-ce que vous essayez de les convaincre, des fois, vos clients? Un peu, des fois. Ça n'a pas de sens, c'est pas humain, puis c'est laid. Ils veulent pas, tu sais, c'est la télévision américaine. C'est très blanc. Mais vous prenez quand même un petit peu de faux tartre. Oui, un petit peu. Tu sais, pas tout égale, pas tout égale. Oui, faut que ça reste jaune. Quand même, faut pas que ça ait de l'air. Faites-vous l'entretien, aussi, parce que là, t'es obligé d'enlever ton dentier. La nuit. Oui, t'es obligé de faire idéalement, ça. Idéalement, oui. Fait que tu viens de te trouver un amant, tu fais, ben, excuse-moi, chérie, il faut que j'enlève. Mais comme je dis aux gens, moi, je vous conseille, c'est le conseil que je vous donne, mais j'irai pas voir chez vous si vous l'enlevez, là. Ben, en fait, moi, ce que je me suis fait dire, c'est que fais ce que t'as à faire. Oui. Puis enlève-la après. Ben oui, mais c'est là, va-t'en chez moi parce que j'ai des choses à faire qui te concernent pas. Si tu penses que ça vaut la peine d'investir dans cette relation-là, puis que tu veux que ça grandisse. Va-t'en chez vous. Tu fais ce que t'as à faire. Ouais. Va-t'en chez vous, puis ça va être comme ça pour le reste de ta vie. Bon, peut-être pas le premier soir, mettons. Tu vois, on va dire. Moi, je le garderai le premier soir. Non, c'est sûr qu'il faut que tu le gardes le premier soir. Mais je veux pas ça, moi. Qu'est-ce que tu veux pas? Je veux pas avoir de dentier. Je veux pas avoir de dentier. Là arrive l'innovation. C'est ça? L'innovation. Les implants. C'est ça? Mais c'est quoi des implants? Ça reste là en permanence, les implants? Oui. Ça doit faire mal, ça doit s'encrasser. Non, pas du tout. Ça se visse comme. Alors pourquoi tout le monde ne fait pas des implants d'abord? Parce que c'est plus cher. Dispendieux. Ouais, c'est ça. Dispendieux. Y a-t-il un bon logiciel qu'on peut se télécharger sur Apple pour se transfigurer la bouche? Non, ça, j'ai pas essayé ça. Vous travaillez on a des logiciels. Oui, il y en a. Ça existe, oui. Puis vous travaillez avec moi, ça? Moi, j'en ai pas encore. Non? Vous y allez pas mal? Ben, l'expérience. Oui, c'est ça, j'imagine. C'est sûr que c'est rendu la... Faites-vous un croquis au fusain, non? Non, mais on les fait dans la cire. Toutes les prothèses sont faites en cire d'abord. Sais-tu comme n'importe quelle affaire de chirurgie esthétique? Y a-tu des gens qui vont arriver avec des photos? Ben oui. De top modèle. Puis dis-moi, j'ai 90 ans, mais j'aimerais ça ressembler à Justin Bieber puis avoir sa gueule. Avoir la bouche, ouais. Ben voyons. La forme de... Qu'est-ce que vous leur dites? Ben, on garde la forme dedans. Oh, tout à fait. Tout à fait. Oui, oui. Donc, on monsieur, ça. Vous avez 90 ans. Vous ne ressemblerez jamais à Justin Bieber. On est plus fin que ça. On va essayer de travailler ça. Non, moi, je suis pas fine. J'aurais donc été, j'aurais pas été bonne, moi, denturologiste. Ben, je vais répéter votre ballon tout de suite, monsieur. Ça n'arrivera jamais. Vous êtes laid. Vous avez une vilaine dentition. Je vais tout vous arracher. Je ne dirais jamais ça. Je te connais. Tu es bien trop sensible. Tu es pleine d'empathie. Non, c'est vrai. Tu le penserais. Ce serait bête. Je le penserais. C'est sûr. C'est sûr que je le penserais. C'est sûr que tu vas le penser. Avant que Joseph et Troy retournent enfin chez eux, hommage à Claude François. Allô? Écoute, maman est près de toi. Faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. Ah, c'est le monsieur de la dernière fois. Bon, je vais la chercher, je crois qu'elle est dans son bain. Et je sais pas si elle va pouvoir venir. Dis-lui, je t'en prie, dis-lui, c'est important. Dis, tu lui as fait quelque chose à ma maman? Elle me fait toujours des grands signes et me dit toujours tout bas, fais croire que je suis pas là. Raconte-moi comment est ta maison. Apprends-tu bien chaque soir toutes tes leçons? Ah oui, mais comme maman travaille, c'est la voisine qui m'emmène à l'école. Y'a qu'une signature sur mon carnet, les autres celles de leur papa, pas moi. Ah, dis-lui que j'ai mal, si mal depuis 6 ans, et c'est ton âge, mon enfant. Ah non, moi j'ai 5 ans. Et dis, tu la connaissais, ma maman, avant? Pourtant, elle m'a jamais parlé de toi. Tu restes là, hein? Le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie, je t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur. Le téléphone pleure, ne raccroche pas. Je suis si près de toi avec la voix. Seras-tu aux prochaines vacances à l'hôtel Beau Rivage? Aimes-tu la plage? Oh oui, j'adore me baigner. Maintenant, je sais nager. Mais dis donc, comment tu connais l'hôtel Beau Rivage? Tu y as été, toi, à Sainte-Maxime? Oh, dis-lui toute ma peine, combien toutes les deux, moi, je vous aime. Tu nous aimes? Mais je t'ai jamais vu, moi. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as changé de voix? Mais tu pleures? Pourquoi? Oh, le téléphone pleure quand elle t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur. Le téléphone pleure, non, ne raccroche pas. Je suis si près de toi avec la voix. Dis, écoute-moi. Le téléphone pleure pour la dernière. Car je serai demain au fond d'un train. Dis, mais retiens-la. Mais elle s'en va. Allons, insiste. Elle est partie. Si elle est partie, alors tant pis. Au revoir, monsieur. Au revoir, petite. Sur la fameuse table en bois rapportée de l'inoubliable voyage à Marrakech, Anne dépose un bol de chips pendant que Marc tripote des petites pinouches blanches et des petites pinouches rouges. Qu'est-ce que tu veux? Ben, c'est-tu moi qui, moi qui continue? OK. Oui. Moi, je te dirais A7. Attends, A7. Ouais, A7. Ben oui, voyons. Oh, ben, je suis coulée. T'es coulée? Oui, tu m'as coulée. Hey, je suis désolée. Donc, c'est une petite frégate à 3. Oui. Voyons. Aussi, j'ai la pinouche qui me... OK, moi, je vais dire voyons. E1. Attends une seconde, ce sera pas très long. J'ai tellement de... hâte. A7. J'ai hâte que tu me dises que t'as coulé, toi aussi. Non, t'as touché, mais t'as pas coulé. J'ai touché, mais j'ai pas coulé. Non. Ah ben, Colin. Ben, tu peux pas... Attends. C'est pas grave. Non, ça, non, là, mais j'en ai un autre, ça en vient. Ouais, ben, attends, je vais... Ben oui, c'est à ton tour. C'est à mon tour. Mais oui, voyons, je suis même pas fine. Je vais sauter des tours. Je vais gagner tout de suite. Ben oui. Moi, j'irais avec un G2. Non. Non. Oh, dans le beurre? Dans le beurre. Ah bon. I1. Attends une seconde, ça sera pas excuse-moi, long. Voyons, je suis tombée pressée. Oui, I1, oui, c'est bon. Toucher coulé. Ah ben oui, je le savais. C'est un gros, hein, lui. Oui, c'est le porte-avions. C'était un gros le porte-avions, navire. C'est vraiment comme le ben plus oui, puissant cinq, des bateaux. Cinq là. Pitounes. Mais là, moi, je vais y aller avec le F3. Ben oui, c'est bien sûr. Tu touches coulé? Ben, touche coulé. OK. C'est le gros porte-avions, ben hein? Ben oui, c'est le gros. Ça, c'est le plus puissant, le porte-avions. Mais là, je comprends pas, moi. J'ai dit 6D. Oui. Puis tu m'as dit... Pas coulé. Non. Fait que là, si je dis 6E... Touche coulé. Ben voyons, mais qu'est-ce que c'est ça, ce bateau-là? Il est donc ben gros! Non. Mais il est plus gros que celui tout non, à non, l'heure. Non, non, non. Non, non, mais non. Voyons. Il est composé de plusieurs. C'est une tactique. Oh mon Dieu, ben je. Il est plusieurs oui. répartis. Oh, il est réparti. Niaiseuse. Non, moi, t'es moi, pas je niaiseuse. L'autre, mais, mais oui. La tactique est tellement forte. C'est fort. C'est tellement réussi. Mais oui. Très peu de monde aurait pu. Ben bravo, bravo. De rien. Et c'est-tu à, c'est à ton tour, là. Oui. Envoyez-nous. Ça, c'est. Ça. J'ai B5. Non. Mais ça, joue. Non, ça marche pas dans le beurre? Oui, je suis désolée. Ben non, c'est correct. H8. H8, pourquoi t'as fait ça? Hein? C'est comme bien loin de tout. Mais tu me dis qu'il manque... Ben oui, mais j'ai oui, un petit bateau qui flotte quelque part. J'essaie oui, mais... de le trouver. Oui, j'ai aucun mais... indice. T'as déjà coulé le 5? Fait non, que... j'ai coulé 2-5. Comment ça se fait que j'ai 2-5? Non, c'est 5? Ça. C'est ça l'affaire. C'est fou. C'est ça. C'est que t'as coulé 1-5. Ben là, il est entre un piton blanc puis un... il peut pas. Là, j'ai pas de place. Regarde, je vais te montrer mon jeu, tu vas comprendre. Ben voyons, viens voir. Moi, ben là, oui. J'ai dû mettre quelque chose. Regarde, non, non, tu non. peux pas... Regarde, c'est parce que regarde comment il est placé. Oui, c'est quoi ça? Ça, c'est ce que tu viens de me demander. Mais c'est pour ça que je comprenais pas. Voyons, pourquoi j'ai mis ça, là? Ben, il est là. Ah, attends, 1, 2, 3, 4. Oh, maudite folle. Ben non, mais tu vas pas savoir. C'est parce que c'est ça. C'est du battleship extrême, là. C'est... ben non, mais je vais pas regarder. C'est du power j'ai mal regardé. C'est du power... Ouais. Pas fort, hein? J'aimais ça avant le jeu-là, moi. Moi aussi. C'était le plus beau jour de ma vie avec Anne Dorval et Marc Labrèche. À la guitare, Joseph Marchand. À la basse, Morgan Moore. À la recherche, Thomas Leblanc. À la technique, Martin Boulanger et Patrick Knoop. Adjointe à la réalisation, Camille Parent. Cette émission est signée Francis Legault.